t'es con, dis con, t'as copié sur Ilona, t'es con, pauvre con, t'es qu'un nul et t'as une sale voix, t'es chiant, t'es con, et en plus tu putes du cul, t'es nul, sale con, va te faire cuire un nu-feu, t'es con, dis con, Ilona c'était de la merde, t'es con, pauvre con, mais il a fallu que tu te ramènes, t'es con, et je suis capable de te le dire, t'es nul, sale con. Sauf que t'es encore pire, toi dis-moi si t'es cap, c'est t'es con à Pierre Fendre. Ça fait vraiment longtemps que je me cache pour pas t'entendre. J'ai tout vrai, t'as tout faux, moi je supporte plus les marionnettes. J'ai tout vrai, t'as tout faux, à part Guignol, même s'il est bête. Même si tout le monde aime ce que vous faites, vous n'êtes que des sales mômes, t'as pété, moi j'ai péto. T'es con, dis con, t'as fait qu'une simple reprise. T'es con, pauvre con, ta mère pue de la bouche et ça me défrise. T'es con, y'a plus que des gamins qui chantent. T'es nul, sale con, parce qu'ils sont bourrés d'argent. Toi dis-moi si t'es cap, c'est t'es con à Pierre Fendre. Ça fait vraiment longtemps que je me cache pour pas t'entendre. J'ai tout vrai, t'as tout faux, moi je supporte plus les marionnettes. J'ai tout vrai, t'as tout faux, à part Guignol, même s'il est bête. Même si tout le monde aime ce que vous faites, vous n'êtes que des sales mômes, t'as pété, moi j'ai péto. Toi t'as le nez qui s'allonge, ta meuf doit aimer j'y songe. Toi dis-moi si t'es cap, c'est t'es con à Pierre Fendre. Ça fait vraiment longtemps que je me cache pour pas t'entendre. J'ai tout vrai, t'as tout faux, moi je supporte plus les marionnettes. J'ai tout vrai, t'as tout faux, à part Guignol, même s'il est bête. Même si tout le monde aime ce que vous faites, vous n'êtes que des sales mômes, t'as pété, moi j'ai péto. Toi t'as le nez qui s'allonge, ta meuf doit aimer, j'y songe.